Nous sommes le mardi 31 octobre 2017 et c'est l'heure de votre podcast quotidien préféré, j'ai nommé la revue de presse JV. Bienvenue les gens, bienvenue pour cette nouvelle édition de la revue de presse JV. J'espère que vous allez bien cette veille de jour férié. Vous vous doutez bien qu'une bonne partie de l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la conférence PlayStation qui a eu lieu hier en fin de journée à la Paris Games Week. Mais pas de panique, il y en aura malgré tout pour tous les goûts, car la revue de presse JV n'est pas sectaire et prône un métissage vidéoludique de chaque instant. Aimons-nous les uns les autres et laissons les guerres de clochers aux abrutis de base et autres paltoquets. Allez, on attaque dans l'amour et la bonne humeur. Let's go! L'e-sport continue son petit bonhomme de chemin dans les médias avec la naissance d'une nouvelle chaîne consacrée donc totalement à cette discipline. La chaîne s'appelle ES1, la chaîne e-sport. L'initiateur de ce projet n'est autre que Bertrand Amard, producteur chez Webedia et bien connu du milieu du jeu vidéo. Et vous pouvez retrouver sur le SoundCloud du site Millennium une interview audio de Bertrand Amard justement qui explique le pourquoi du comment de ce projet. Le communiqué officiel nous dit « Les programmes de S1 seront axés autour de 4 formats complémentaires, des magazines inédits et incarnés autour des catégories les plus populaires de l'e-sport, des sessions de jeu en compagnie des plus grands champions et joueurs français, des compétitions en direct ou retransmises en différé, et enfin des documentaires exclusifs, le premier sera consacré à la place des femmes dans l'e-sport. » Alors, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je dis e-sport ou e-sport une fois sur deux. Moi-même, je n'arrive pas à me décider, donc je vous laisse trancher tout ça sur les réseaux sociaux. Alors, Bertrand Amard précise, donc je le cite, « La chaîne a pour ambition de fédérer l'ensemble du secteur français de l'e-sport, en lui donnant accès à une audience élargie, et de collaborer avec les organisateurs de compétitions ainsi qu'avec les producteurs de référence du marché comme O-Gaming, Arma Team, Games Origin ou encore ZQSD. » Du coup, le lancement de cette chaîne est prévu pour le 1er décembre 2017 en avant-première, en partenariat avec Orange. Et du coup, la chaîne sera accessible pour tous les abonnés fibre et ADSL avant d'être distribuée dans un bouquet payant. On nous a dit qu'elle rejoindra ensuite d'autres opérateurs, dont le bouquet de télé de chez Bouygues Télécom dès janvier 2018. Souhaitons beaucoup de succès à cette nouvelle chaîne. Gageons qu'elle trouvera son public. Il y a une discussion Twitter que j'aimerais vous conseiller, une discussion qui a été ouverte par l'un des développeurs de Sausage Sport Club. Alors, ce développeur donc s'appelle Chris Wed, @ChrisWed, alors tout collé avec un underscore à la fin, donc Chris C-H-R-I-S Wed W-A-D-E, tout collé, un underscore à la fin. De toute façon, je vous mettrai le lien de ce tweet Twitter sur le blog de l'émission, comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette discussion? Ce cher Chris, rejoint par d'autres camarades développeurs, qui décortiquent toutes les astuces graphiques et de programmation qui ont été utilisées dans Super Mario Odyssey. Alors, screenshot à l'appui. Donc, moi, qui ne veux pas du tout me faire spoiler Super Mario Odyssey, j'ai regardé juste les premiers screens. Et je me suis mis ce lien de côté quand j'aurai le jeu et quand je l'aurai terminé, n'est-ce pas? Mais c'est très intéressant, si vous avez déjà bien bourlingué dans le jeu, ces développeurs débattent, émettent des hypothèses, parfois confirment complètement que telle ou telle technique a été utilisée pour rendre tel effet graphique, que ce soit sur les personnages, les décors et autres. Et c'est littéralement passionnant à dévorer. Surtout si vous vous intéressez un petit peu au backstage du développement de jeux vidéo. Et ce qui est assez incroyable, et ça c'est l'un des bons côtés vraiment d'Internet, c'est que tout le monde peut assister à ce débat, et c'est assez... Enfin, c'est passionnant, quoi. Donc, bien sûr, c'est en anglais, mais bon, rien vraiment bien de compliqué à comprendre, et puis au pire, vous vous mettez un petit Google Trad sur le côté, et zoup, c'est parti comme en 40. Donc, je vous conseille cette discussion Twitter sur le compte de Chris Wade. Je vous mets le lien sur le blog de toute façon, sans aucun souci. Bien sûr, vous êtes au courant qu'est sorti très récemment Assassin's Creed Origins, hein, le retour de la série phare d'Ubisoft après 2 ans d'absence pour justement bien relancer cette saga qui était considérée en perte de vitesse par les joueurs et les observateurs. Nous en avons beaucoup parlé vendredi, samedi, dans la grande revue de presse JV dimanche soir. Et donc là, Gamekult nous parle des chiffres au Royaume-Uni pour le lancement du jeu, et ben qui ne sont pas jojo, qui ne sont pas jojo lastico du tout. Et donc c'est Jarod, hein, mon gars sûr, qui nous dit « Assassin's Creed Origins est certes numéro 1 des ventes devant Super Mario Odyssey et Wolfenstein 2 The New Colossus, mais JFK indique que les ventes du dernier Ubisoft sont légèrement inférieures à celles d'Assassin's Creed Syndicate, lequel réalisait pourtant déjà le plus mauvais démarrage des épisodes principaux de la franchise. Cette performance mitigée situe ce nouvel épisode quelque part sous les 100 000 copies vendues en boîte sur PS4 et Xbox One, sachant que 60% des ventes ont lieu sur la console de Sony. Lot de consolation pour Ubisoft, le démarrage de cet épisode Origins a rapporté plus d'argent que celui de son prédécesseur, grâce aux ventes des éditions Gold et Gods. Pour référence, le point culminant atteint par les assassins remonte au lancement phénoménal d'Assassin's Creed 3, qui débutait alors autour des 330 000 ventes en 2012. C'est hallucinant, le ratio, la différence est assez énorme. Petit mot donc sur Mario Odyssey, toujours sur ce même article de Jarod, qui nous indique que même si le Royaume-Uni n'est pas représentatif du succès de Nintendo, Super Mario Odyssey a réalisé un meilleur lancement que n'importe quel jeu Wii U sur le territoire britannique et s'impose comme le meilleur démarrage de la Switch. Numéro 1 des ventes au classement individuel, c'est-à-dire par machine, le dernier Mario devient le 6e meilleur lancement de l'histoire de Nintendo sur le territoire britannique avec plus de 80 000 cartouches vendues. Bon, le succès interplanétaire et le raz-de-marée de Mario ne fait aucun doute, d'autant plus qu'il bénéficiera du syndrome long-seller, c'est-à-dire des titres qui se vendent vraiment sur la durée propre aux consoles Nintendo. Pour Assassin's Creed Origins, bon, voilà, tous les paris sont ouverts pour le reste des territoires et comptez sur moi, comme d'habitude, pour vous donner toutes les infos qui vont bien très très prochainement. Alors, c'est incontournable, mais il va falloir parler de cette conférence PlayStation qui a eu lieu hier en fin de journée à la Paris Games Week. Une conférence, ma foi, très satisfaisante, alors pas cataclysmique, mais pas non plus décevante. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Avant de parler de la conférence en elle-même, il faut quand même rappeler qu'en marge de la conférence, en fait, Sony a annoncé hier après-midi que le PlayStation Now était officiellement disponible en France. Alors le PlayStation Now, si vous voulez, c'est un peu comme un Netflix du jeu vidéo, mais dédié au jeu Sony, donc disponible sur PlayStation 4 et PC, le PlayStation Now donne accès à plus de 480 jeux PS3. Vous jouez en streaming, c'est-à-dire tout ceci dépend de votre connexion. Vous pouvez malgré tout faire un test, puisqu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour voir si effectivement votre connexion peut supporter une telle offre. Après, il est vrai qu'on trouve vraiment des jeux qui ont marqué la PlayStation 3, comme The Last of Us, Red Dead Redemption, bref, il y a du lourd. Il vaut mieux essayer quand même de voir si votre connexion peut supporter ceci, puisque si vous avez une connexion qui n'est pas à la hauteur, ça peut vite s'avérer très problématique. Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de le tester, sachant que j'ai quand même une bonne connexion chez moi, donc j'essaierai de tester ça dans des délais assez raisonnables. Donc, cette conférence, qu'est-ce qu'elle valait? Bah, comme je le disais il y a quelques minutes, elle était vraiment pas trop mal, et même, je dirais, de grande qualité. Alors, avant que la conférence commence vraiment à 17h, on a eu un pré-show de 16 à 17, un pré-show qui a été axé sur le jeu indé, sur des jeux un petit peu moins gros, un peu moins importants, avec moins d'exclus, dirais-je, qui font trembler tout l'internet, mais c'était une très très très très bonne idée. Moi je retiendrai notamment Spelunky 2. Alors c'est vrai que c'est pas hyper hyper hyper connu, enfin sauf quand on s'intéresse quand même au jeu indé, parce que le jeu est à peu près sorti partout. Ce jeu de plateforme en 2D qui a des influences de roguelike avec des niveaux générés aléatoirement, c'est un des jeux indés les plus influents de ces dernières années. Donc de voir qu'il y a un numéro 2, ça fait toujours plaisir. Ce qui a été très appréciable aussi, c'est le rythme de la conférence qui a été vraiment très très punchy. Quand la conférence a vraiment commencé, elle a duré 3 quarts d'heure. Je sais même pas si elle a fait vraiment 1 heure en définitive. Mais ça a été vraiment mené tambour battant. Et il y a eu vraiment des annonces, hein, comme prévu. de jeux, de nouvelles IP. Alors avant qu'on parle des gros morceaux qui étaient attendus, il y a vraiment des jeux qui m'ont vraiment tapé dans l'œil comme beaucoup, comme par exemple Concrete Genie, qui vous met dans la peau d'un ado qui est doté d'un pinceau magique, et avec ce pinceau magique il fait des sortes de graffitis, en tout cas des dessins sur les murs, et ce qu'il dessine prend vie, enfin il dessine des créatures qui prennent vie, qui ensuite l'aident dans sa progression. Enfin c'est très très beau, c'est très onirique. L'ADA, je trouve, enfin la direction artistique donc est superbe, et vraiment l'intention de départ est très intéressante. Alors à voir si c'est bien exploité durant le jeu, mais en tout cas c'est un titre vraiment à surveiller. Il y a aussi une nouveauté qui est déjà disponible sur le PlayStation Store, aussitôt annoncé, aussitôt disponible, c'est OURE, alors O-U-R-E. Alors je ne sais pas si on le prononce OURE ou OURE. Et donc très poétique, très beau, on incarne un petit garçon qui peut se transformer en dragon, et c'est une métaphore sur les enfants qui quittent le nid familial. Bref, c'est magnifiquement beau, mais par contre la direction artistique fait vraiment penser à un copier-coller de Journey, vous savez, le jeu de Genova Chen. Ça c'est un petit peu surprenant, mais bon, il n'en demeure pas moins que c'est très attirant. On a eu aussi du nouveau du studio Sucker Punch, que personnellement j'adore, notoirement connu pour Infamous, dont l'épisode PS4, Second Son, m'avait énormément plu. Et donc, on a pu voir un trailer, alors malheureusement, une cinématique, rien de bien tangible au niveau gameplay, mais visiblement, ça devrait arriver dans les heures qui viennent, de Ghost of Tsushima, qui se déroule dans un Japon médiéval avec des faux airs d'Onimusha, très porté sur l'action, bien évidemment, on l'imagine. Mais bon, le trailer pétait la classe, même si on n'a rien vu du gameplay, mais connaissant le talent de ce studio, je ne me fais pas trop de soucis, vraiment, sur la qualité de ce futur jeu. Donc on a eu aussi l'annonce de Guacamelee 2, alors ça c'était dans le pré-show, si je ne fais erreur. Guacamelee 2, donc jeu d'action plateforme, tendance Metroidvania, qui se passe dans l'univers du catch mexicain. Donc là, on retrouve à peu près la même formule, mais améliorée, avec plein de nouvelles options en plus, des nouveaux niveaux survoltés et un mode co-op à 4 joueurs. On a aussi pu voir The Hong Kong Massacre. C'était une sorte de Hotline Miami, mais avec des graphismes un peu plus chiadés, 3D, sorte de top-down shooter survolté qui est prévu pour 2018. Comme la plupart des jeux qu'on a vus, alors c'est vrai que la plupart du temps, c'est annoncé pour 2018. On a revu aussi des jeux qui étaient très attendus, qui sont très attendus et dont on a déjà vu beaucoup, mais ça fait toujours plaisir de les voir via des nouveaux trailers comme Monster Hunter World. On a revu la version remasterisée de Shadow of the Colossus. Alors là, je suis un peu partagé parce que c'est magnifiquement beau, c'est Shadow of the Colossus, mais je trouve qu'on perd un petit peu la patte de la direction artistique du jeu d'origine. Mais ça fait quand même vachement envie. Faut pas vous le cacher, ça fait quand même vachement envie. On a vu, on va se faire du mal avec Final Fantasy XV, dont le dernier DLC, alors je crois que c'est le dernier si je dis pas de bêtises, le dernier DLC solo, donc l'épisode basé sur Ignis, le cuisinier hyper classe avec ses petites lunettes. Et donc un DLC qui arrive prochainement, le 13 décembre donc de cette année, bien sûr. Et quand on voit ce trailer, qui franchement le trailer de ce contenu était assez classe, mais je trouve que ça met d'autant plus en exergue, voilà, la déception qu'a été Final Fantasy XV. On a aussi un gros segment VR, dont un segment un peu de la honte encore sur FF15 avec le jeu de pêche. Donc quelques jeux VR ont été présentés qui avaient l'air très sympas, bon, pour nous prouver que la VR est toujours là. Pas mal d'annonces hein, en définitive, mais je vais vous parler de celles qui m'ont le plus marqué, et en premier lieu le nouveau trailer de The Last of Us Part 2, qui était d'une violence, mais cataclysmique, et d'ailleurs dans tous les sens du terme. Déjà visuellement, comme toujours, hein, le travail de Naughty Dog sur les expressions faciales, ils ont vraiment 10 ans d'avance, hein, vraiment sur la concurrence, c'est impressionnant. On y reviendra tout à l'heure, mais quand on regarde même le Detroit, Détroit, de David Cage, qui est attendu également sur PlayStation 4, et dont on a revu de nouvelles images, et j'y reviendrai dans 2 minutes, on a l'impression vraiment qu'à côté, dans le jeu de David Cage, on a l'impression de voir évoluer des Playmobil, quoi. Alors que c'est censé être ultra réaliste, et déjà je trouve que la différence était énorme, déjà sur PS3, entre les jeux Naughty Dog et ce que pouvait faire David Cage, mais alors là, l'écart se creuse d'autant plus. Donc ce nouveau trailer de The Last of Us Part 2, d'une violence vraiment effrayante au point de vue technique, mais aussi du point de vue du contenu. Puisque là, vraiment, si vous décidez de regarder ce trailer, écartez les enfants ou les personnes sensibles, car c'est extrêmement violent. Moi, je suis un grand fan du boulot de Naughty Dog, et notamment des Uncharted et The Last of Us, qui m'avaient bouleversé. Donc évidemment, moi, je suis très client de ce genre de trailer qui est là pour nous saisir, comme ça, sur le vif. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous détailler ce qui se passe dans ce trailer, mais je vous invite à le regarder très rapidement. Et donc, je vous parlais de Détroit, le prochain David Cage, le prochain Quantic Dream, donc qui est annoncé pour le printemps 2018. Je vais pas revenir sur l'univers pseudo-futuriste du jeu. Bon, vous savez que moi, je suis pas très fan des jeux de David Cage, ceux qui me suivent le savent très bien. Donc, je me ferai pas voir une troisième fois, je l'achèterai pas Day One, celui-ci. J'attendrai qu'il soit bien soldé, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, voir ce qu'il a voulu faire cette fois-ci, mais bon, effectivement, il y a encore plein d'embranchements, on peut revenir, changer, modifier le destin des personnages avec les fameux choix multiples, la même interface, etc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que techniquement, les personnages font toujours très figés. Alors, on n'est pas dans du Shenmue 3, bien sûr, mais bon, ça ne fait pas réaliste, alors que tout le monde loue l'extrême réalisme des personnages dans les jeux Quantic Dream. Je ne trouve pas qu'ils sont réalistes, je trouvais que parfois c'est même raton, dire des pantins articulés. C'est l'impression que j'avais eue dans Heavy Rain, c'est l'impression que j'avais eue dans Beyond Two Souls. Mais bref, j'aimerais vous parler aussi du Spider-Man, le Spider-Man d'Insomniac Games, donc là encore, studio hyper talentueux. Et donc bah voilà, ça fait vachement envie. Moi, c'est vrai que moi j'aime bien le personnage de Spider-Man, et donc ouais, ça fait super envie, vraiment, ces nouvelles images. Donc bon, même si pareil, c'est prévu pour 2018 sans plus de précision, on a vu enfin plus précisément des images du DLC d'Horizon Dawn qui s'appelle The Frozen Wilds, avec des décors enneigés de toute beauté, de nouveaux ennemis. Tout ça, c'est bientôt, parce que c'est le 7 novembre 2017. Et le dernier gros trailer qui a fait vraiment sensation, que ce soit par la couverture médiatique que par les internautes, et donc, a fortiori, les joueurs, c'est le trailer du prochain God of War. Une nouvelle fois, avec une nouvelle séquence, on a pu voir vraiment du gameplay très nerveux, où Kratos se la donnait contre des ennemis aidés de son fils, Atreus. Toujours pareil, et ça c'est le seul défaut qu'on peut donner à chaque fois, c'est que c'est annoncé en 2018 sans plus de précision. Mais quelle classe dans les combats, cette hache qui revient dans les mains de Kratos. Cette nouvelle direction de God of War me plaît énormément. Moi j'avais beaucoup aimé le 1 et je m'étais un petit peu lassé des suites, même si techniquement et en termes de gameplay, elle n'en restait pas moins vraiment de très très haute qualité. Mais là, cette nouvelle tournure que prend God of War depuis le début, je l'attends énormément. Donc foncez voir cette vidéo que vous pouvez trouver partout, comme toujours, sur tous les sites, ça fait vraiment, vraiment super envie. Alors, il y a eu du Sims 4, il y a eu du Loco Roco 2 en 4K, un jeu de tennis aussi, Tennis World Tour, a été annoncé pour le printemps 2018. Alors, graphiquement, c'est pas méga top, il faut savoir quand même que le titre est mitonné par des anciens de la série Top Spin. C'est quand même un sacré gage de qualité. Voilà, j'ai évincé quelques titres volontairement, parce que le but était de vous présenter vraiment ce qui m'avait le plus marqué. Au niveau des réactions des différents organes de presse, bah, généralement, c'est quand même très positif. Comme je le disais, et c'est vraiment exactement l'avis, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu au sortir de cette conférence. Elle n'est pas historique, voilà, clairement pas, mais par contre, c'est loin d'être la plus mauvaise, elle était très rythmée, il y a eu des belles images, il y a eu des séquences choc, notamment avec The Last of Us Part 2. Donc on ne s'est pas ennuyé, on se dit que quand on a une PlayStation 4, et ben voilà, on aura de quoi faire comme d'habitude. Donc bon, effectivement, pour les fans de Shenmue, il n'y avait pas de Shenmue, FF7 Remake, mais ça, moi je m'y attendais, on n'en a pas vu plus. D'autres titres attendus chez Sony, officiellement ou officieusement, n'ont pas fait leur apparition. Mais bon, ils se gardent des cartouches, ils ont bien raison. Ils n'ont pas besoin de se précipiter comme des malades en déballant toutes leurs cartes, sachant que le mois prochain, il y a quand même le PlayStation Experience. À mon avis, on risque encore d'avoir quelques bons biscuits à se mettre sous la dent. Quelle a été votre impression au niveau de cette conférence, que vous l'ayez vue en différé, que vous ayez lu des résumés ou que sais-je? Voilà, j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas, comme d'hab, sur les réseaux sociaux, sur les commentaires un peu partout qu'on peut laisser grâce à cette technologie absolument fantastique qu'on appelle l'Internet. Dites-moi tout. C'est ainsi que se termine cette édition un petit peu spéciale et un peu plus longue que d'habitude de la revue de presse JV. N'oubliez pas que l'émission est dispo H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, Deezer et sur ma chaîne YouTube chez Bruno, chez underscore Bruno. Pour réagir et tailler le bout de gras ensemble, vous avez le compte Twitter @revuedepressejv tout collé, la page Facebook, la revue de presse JV, mon compte Twitter perso chez underscore Bruno. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager un max, à mettre des étoiles sur iTunes, vous avez le blog qui centralise tous les liens pour tout savoir, tout y est indiqué, la revue de presse jv.wordpress.com. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de m'aider à améliorer l'émission via la page Tipeee, tipeee.com/la revue de presse jv, avec des émissions bonus à se mettre sous l'oreille. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, bon courage. Bonne journée, bon béco, bref, que des bonnes choses. Allez, bye bye.